Premier livre des Chroniques, chapitre 28. Or David assembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, et les chefs des départements qui servaient le roi, et les gouverneurs de milliers et de centaines, et ceux qui avaient la charge de tous les biens du roi, et de tout ce qu'il possédait, ses fils avec ses eunuques, et les hommes puissants, et tous les hommes forts et vaillants. Puis le roi David se leva sur ses pieds, et dit, « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi, j'ai désiré de bâtir une maison de repos à l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et au marchepied de notre Dieu, et j'ai fait les préparatifs pour la bâtir. Mais Dieu m'a dit, « Tu ne bâtiras point de maison à mon nom, parce que tu es un homme de guerre, et que tu as répandu beaucoup de sang. Or comme l'Éternel le Dieu d'Israël, m'a choisi de toute la maison de mon père pour être roi sur Israël à toujours, car il a choisi Juda pour conducteur, et de la maison de Juda la maison de mon père, et d'entre les fils de mon père, il a pris son plaisir en moi, pour me faire régner sur tout Israël. Aussi d'entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné plusieurs fils, il a choisi Salomon mon fils, pour s'asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Et il m'a dit, « Salomon ton fils est celui qui bâtira ma maison et mes parvis, car je me le suis choisi pour fils et je lui serai père. Et j'affermirai son règne à toujours, s'il s'applique à faire mes commandements, et à observer mes ordonnances, comme il le fait aujourd'hui. Maintenant donc je vous summons en la présence de tout Israël, qui est l'assemblée de l'Éternel, et devant notre Dieu qui l'entend, que vous ayez à garder et à rechercher diligemment tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays, et que vous le fassiez hériter à vos enfants après vous, à jamais. Et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le avec un cœur droit, et une bonne volonté, car l'Éternel sonde tous les cœurs, et connaît toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver à toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant, que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison pour son sanctuaire, fortifie-toi donc, et applique-toi à y travailler. Et David donna à Salomon, son fils le modèle du portique, de ses maisons, de ses cabinets, de ses chambres hautes, de ses cabinets de dedans, et du lieu du propitiatoire. Et le modèle de toutes les choses qui lui avaient été inspirées par l'Esprit qui était avec lui, pour les parvis de la maison de l'Éternel, pour les chambres d'alentour, pour les trésors de la maison de l'Éternel, et pour les trésors des choses saintes, et pour les départements des sacrificateurs et des lévites, et pour toute l'œuvre du service de la maison de l'Éternel, et pour tous les ustensiles du service de la maison de l'Éternel il lui donna aussi de l'or à certains poids, pour les choses qui devaient être d'or, savoir pour tous les ustensiles de chaque service, et de l'argent à certains poids, pour tous les ustensiles d'argent, savoir pour tous les ustensiles de chaque service. Le poids des chandeliers d'or, et de leurs lampes d'or, selon le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, selon le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon le service de chaque chandelier. Et le poids de l'or pesant ce qu'il fallait pour chaque table des pains de proposition, et de l'argent pour les tables d'argent. Et de l'or pur pour les fourchettes, pour les bassins, pour les gobelets, et pour les plats d'or, selon le poids de chaque plat, et de l'argent pour les plats d'argent, selon le poids de chaque plat. Et de l'or raffiné à certains poids pour l'autel des parfums, et de l'or pour le modèle du chariot des chérubins qui étendait les ailes, et qui couvrait l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Toutes ces choses, dit-il, m'ont été données par écrit, de la part de l'Éternel, afin que j'eusse l'intelligence de tous les ouvrages de ce modèle. C'est pourquoi David dit à Salomon son fils, « Fortifie-toi, et prends courage, et travaille, ne crains point, et ne t'effraie de rien, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point, et il ne t'abandonnera point, que tu n'aies achevé tout l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel. Et voici, j'ai fait les départements des sacrificateurs, et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu, et il y a avec toi pour tout cet ouvrage toutes sortes de gens premiers experts, pour toutes sortes de services, et les chefs avec tout le peuple, seront prêts pour exécuter tout ce que tu diras.